C'est la crise au mic maker. DJ Case, Liga Liga One, Houston, Paris, Oro, New York. Je suis ailleurs, laissez-moi, je profite de ma vie. Toujours avec mes potes, fidèles à ma team. Et je me cherche encore, j'ai changé mon décor. Je suis ailleurs, laissez-moi, je profite de ma vie. Toujours avec mes potes, fidèles à ma team. Et je me cherche encore, j'ai changé mon décor. Je suis à Miami avec mes dernières Nike. Les gens me disent t'es bon que derrière le mic. J'ai changé mon décor en Ferrari, je drive. J'ai fait un rêve, j'avais deux tigres pleines mailles. Oui, je suis ailleurs, jamais à l'heure. Mais faites les gens qui peuvent souhaiter le malheur. On fera jamais les macs. J'suis venu pour péter les bacs, j'fais du rap pendant que partout ça braque en banque. Faut des gros sacs pour le compte en banque. Connexion DJ Case, faut qu'on l'entende. Mes potes et moi on veut voir la vie en banque. J'suis ailleurs, laissez-moi, je profite de ma vie. Toujours avec mes potes, fidèle à ma team. Et je me cherche encore, j'ai changé mon décor. J'suis ailleurs, laissez-moi, je profite de ma vie. Toujours avec mes potes, fidèle à ma team. Et je me cherche encore, j'ai changé mon décor. Et je me cherche encore, j'ai changé mon décor. Dans ma tête c'est le désordre. Donnez-moi un peu, je m'en contente. Laissez-moi vivre, d'amour et d'eau fraîche. Femme, je te sors, t'es jamais contente. En plus devant les gens, tu fais trop ta fraîche. Oui, je m'affiche, comme dit je m'en fiche. La tête dans les nuages, pense à finir riche. J'ai trouvé le bonheur dans l'écriture et le son. Même si on n'est pas les mêmes, on pense ressemble. Je vis ma vie au jour le jour, en esquivant les mauvais tours. Oui, je vis ma vie au jour le jour, en esquivant les mauvais tours. Je suis ailleurs, laissez-moi, je profite de ma vie. Toujours avec mes potes, fidèle à ma team. Je me cherche encore. J'ai changé mon décor, mon trésor. Dans ma tête c'est le désordre. Et je me cherche encore. J'ai changé mon décor, mon trésor. Dans ma tête c'est le désordre.